Chapitre 29e, l'amour, la haine. Peu après, derrière Zygomar, un Zygomar tout meurtri, marchant avec peine, éclopé, éreinté, Big fermait la grille de la villa. La grille par où Zygomar venait de sortir n'était fermée que depuis quelques minutes, que de nouveau elle s'entr'ouvrit pour donner passage à un homme, jeune encore, grand, bien découplé. C'était l'étrange visiteur qui avait causé une si grande surprise à Miss Eden. C'était l'homme au loup de velours, à la barbe noire. Mais en ce moment, il ne portait plus la barbe ni le masque. Vivement il sortit, et en se hâtant, il fit quelques pas dans la rue, regardant, semblant chercher. « Allô ? Allô ?» fit une voix. Le visiteur au masque de velours se dirigea vers cette voix. L'homme qui avait appelé ainsi venait au-devant du visiteur, qui le rejoignit bientôt. Aussitôt, à voix basse, rapidement, la conversation s'engagea en anglais. « C'est fait ? Oui. » Zygomar a remarqué ? Oui. Bon, alors cet homme est à nous. » Pressant le pas, les deux hommes s'éloignèrent. Mais comme ils tournaient l'angle que formait le mur de la villa de Miss Eden, sous la porche d'une villa voisine, une silhouette de femme sortit de la pénombre projetée par un arbre dont les branches s'avançaient dans la rue. Cette femme, depuis longtemps immobile à la même place, surveillait la grille de fer de la villa de Miss Eden. Quand Zygomar parut, elle tressaillit, regarda avec anxiété, mais ne reconnaissant pas celui que probablement elle attendait, elle se replongea dans l'ombre qui la masquait absolument. Cette femme était vêtue, je n'ose pas dire d'un costume couleur de muraille, mais un grand manteau gris-bleu d'automobile l'enveloppait entièrement et la rendait à peu près invisible dans la pénombre du porche, d'allure rustique. Quand le singulier visiteur, l'homme au masque de velours noir, apparut, elle sursauta. « Ah ! » fit-elle avec rage. « Je savais bien qu'il vient la voir toujours. » « Il a passé la nuit chez elle, le misérable. Il l'aime toujours. » Et elle ajouta, « Il l'aime. Mais quand il l'aimerait infiniment, son amour ne sera jamais aussi fort que ma haine. » Elle laissa s'éloigner l'homme au masque de velours et son compagnon. Puis, abandonnant sa retraite, elle passa à son tour devant la grille de fer forgé de la villa de Miss Eden. Alors, dans un geste de colère, de haine, elle tendit le poing vers la villa de la plus belle des femmes. « Toi !» dit-elle, j'aurai ta beauté, j'aurai ta vie. » Faisant ce geste, elle éleva le bras et dérangea quelque peu le capuchon qui recouvrait sa tête, et sous ce capuchon, on vit briller la lueur fauve d'une chevelure dorée. La politique commandait à Paulin Broquet de ne pas paraître au cirque de quelques jours. Il se contentait d'envoyer ses lieutenants surveiller l'apparition maintenant douteuse des Américains et des clients de chez Martins. De même, il faisait pister à présent très sérieusement le singulier clown Fungati. Mais Fungati, le champion du macaroni, menait décidément une vie exemplaire. Il passait son existence au cirque, au bar américain de la rue Saint-Honoré, et chez lui. Au bar, il jouait avec des camarades de piste et quelques habitués du cirque, des sportsmen qui, en apparence, n'offraient rien de suspect. « L'amorce, mon ami, » dit Paulin Broquet à son lieutenant, « il faudra que tu te débrouilles, mais je veux savoir un peu ce que sont, en réalité, ces honorables gentlemen, amis de Fungati. » La mort se mit en campagne. Ces gentlemen menaient comme Fungati une vie des plus régulières. Ils pouvaient justifier de moyens d'existence, avaient un domicile connu, et l'on obtenait des concierges et du voisinage que de bons renseignements sur eux. Leur conduite ne présentait aucun sujet de critique. « C'est très beau, » faisait Paulin Broquet, « beaucoup trop beau pour que ce soit vrai. » Il dit à ses lieutenants, « Nous irons tout de même faire un tour chez Fricard, » dit Paulin Broquet. « Rue Jonas, à la baleine, oui. Puisque c'est la nouvelle barbotière, il faut voir qui vient dans cette baleine. Et je ne serais pas étonné si nous y retrouvions nos si exemplaires gentlemen. » Outre ses réunions dans le bar américain, le clown Fungati retrouvait parfois ses amis au bois le matin. Fungati, bon cavalier, avait son cheval au cirque et souvent il le montait au bois. Il rencontrait là ses amis qui, eux aussi, montaient. Et souvent, il croisa Miss Eden qui avait un cheval merveilleux, avec lequel elle excitait l'admiration des connaisseurs les plus difficiles. Miss Eden n'était pas seulement la gymnasiarque exceptionnellement forte, elle était également une écuyère de haute école des plus admirables. Chaque fois qu'elle apparaissait au bois, elle faisait sensation. Ce dont elle ne semblait nullement se douter et aucunement se préoccuper. Paulin Broquet, dissimulé dans le fond d'un fiacre vulgaire, anonyme et qu'on ne pouvait remarquer, venait parfois au bois pour, comme il le disait, prendre des nouvelles de ses clients. Plus d'un, en effet, paradait, plastronnait, caracolait, faisait partie de cette troupe unique, merveilleuse, donnant avec la même aisance le drame le plus poignant et la bouffonnerie la plus cocasse qui forme la comédie parisienne. Paulin Broquet, un homme qui a toujours vécu dans les coulisses de ce grand théâtre qu'est Paris, savait par cœur le rôle que chacun des acteurs en scène interprétait. Sous leurs costumes, leurs tenues d'apparat, leurs grimages, il les reconnaissait. Car, ceci est admirable, les acteurs qui font vivre cette comédie jouent au réel. Ils jouent entre eux, pour eux, étant eux-mêmes les spectateurs et les dupes de la comédie qu'ils interprètent. Paulin Broquet aurait pu dire le rôle de chacun et le petit roman de toutes ses existences. Quelle tristesse, quelles infamies se cachaient sous ses sourires appris, quelles ambitions, quelles haines et quelles dispositions à tous les crimes se couvraient sous le manteau à la trame fragile de la plus raffinée des civilisations. Et Paulin Broquet, sentant que sa présence, au milieu de tout ce beau monde, voulant se donner l'illusion du plaisir, du bonheur, eut produit l'effet d'un loup apparaissant dans un troupeau de moutons, sachant que son passage eût laissé derrière lui comme un nouveau Manet, Tessel, Farès, et montré la main rouge de la justice se cachant dans le fond de son fiacre, et philosophe, ayant aussi pitié de ses pantins, sans être vu, il voyait et il passait. Souvent, Paulin Broquet avait aperçu Messédon en Amazone, et compris, chaque fois un peu plus, l'admiration et l'enthousiasme que la beauté, le charme de cette femme soulevaient sur son passage. Messédon se promenait toujours seule, suivie d'un domestique mais n'acceptait pas de compagnon. Elle choisissait de préférence les allées les plus désertes, où elle pouvait faire prendre quelque temps de galop à sa monture et aller à sa fantaisie, sans avoir de salut à recevoir, sans attirer les regards des curieux. Même Funghetti, son camarade du cirque, quand il l'a rencontrée à cheval, n'obtenait pas la faveur de l'accompagner dans sa promenade. Or, un matin qu'il venait de croiser Messidon, dont la beauté sous le clair soleil, au grand jour, fouettée par l'air, semblait encore plus grande, Paulin Broquet vit le clown Funghetti venant en sens inverse, croiser aussi sa camarade. Funghetti salua, donna un respectueux et amical bonjour à l'écuyère, et il passa. Puis, Funghetti alla caracoler non loin de la voiture que Rosa de la Huerte conduisait elle-même, car Rosa, en tant qu'écuyère, estimait que monter à cheval était son travail. Avec Rosa, le clown fit une assez longue causette. Il parlait encore, il faisait rire Rosa, et Rosa, qui avait des dents superbes et qui aimait qu'on la regardât, qu'on l'admirât, riait bien et tout fort quand tout à coup, Funghetti planta là sa charmante camarade. Il donna de l'éperon dans le ventre de son cheval et partit brusquement d'un bond comme un fou.